sommes en compagnie de Luc Labène et on parle de météorites. Luc, il y a les déserts, évidemment, dont on a parlé. Mais depuis quelque temps, je dirais depuis que le mur de Berlin est tombé, on voit surgir de l'Est, si je puis dire, et du Nord, d'ailleurs, des météorites. Et beaucoup de météorites, et des météorites que vous exposez dans différents salons. Vous nous dites, ah, celle-ci, elle vient de Nord-Sibérie, celle-ci, elle vient d'Islande, peut-être pas d'Islande, mais en tout cas de Finlande ou quelque chose. Ce sont des nouveaux territoires de recherche. Alors, pas de nouveaux territoires de recherche pour, je dirais, pour moi en tant que chasseur de météorites, mais par contre, il est vrai que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des météorites qui ont été répertoriées depuis longtemps, avec parfois des informations assez précises, et il y a des gens qui, localement, se disent, voilà, une météorite, c'est intéressant à chercher, à trouver, retrouvent des informations parfois très anciennes, et passe du temps sur le terrain et trouve, je pense notamment à, puisqu'on parlait de pays plutôt du nord, en Suède, au-delà du cercle polaire d'ailleurs, il y a une météorite qui était connue depuis les années 40, mais assez précisément, puisqu'il y avait une route qui a été construite à l'époque, il y a eu plusieurs météorites de découverte, et c'est un Suédois qui voilà, s'est dit, moi je vais chercher avec un détecteur de métaux, et je vais voir si j'en trouve d'autres. Et après ça, ça a été juste énorme parce qu'il a trouvé d'abord quelques kilos. Ça s'est su, d'autres ont cherché, notamment mon frère est allé là-bas. Et il y a eu vraiment plusieurs tonnes de météorites qui ont été découvertes. Donc ça a été, Mais là, sur une information d'une trouvaille ancienne. Donc il reste encore des choses à faire sur des trouvailles anciennes. Il y a une météorite aussi russe, dont le nom est Semchan, où c'est un peu pareil. Là, c'était un géologue qui avait trouvé dans les années 70, je pense, deux blocs. Donc là, ce sont une équipe de Russes. Je dis une équipe de Russes parce que parfois, on se retrouve sur le terrain dans le désert, on s'est déjà croisé. Et eux sont, évidemment, c'est leur terrain, parce qu'ils sont russes. Donc, et là, ils ont retrouvé, pareil, là, on parle de plus de 20 tonnes de météorites. Voilà, donc avec les détecteurs de métaux, toujours. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là de retourner à partir d'indices, sur des trouvailles anciennes. Même si le terrain est difficile, parce que la Suède, la Russie, et je pense surtout à toute cette Sibérie, permafrost, mais surtout taïga, toundra, c'est quand même pas très facile d'accès pour chercher quelque chose, pour trouver quelque chose. Oui, mais ils s'en donnent les moyens. Et par exemple, pour Semchan, celle qui a été découverte en Russie, je sais que les blocs les plus gros qui ont été trouvés, de plus d'une tonne, et même un bloc faisait plus de 3 tonnes, ils n'hésitent pas à prendre un hélicoptère pour se faire déposer dans ces zones-là, et même pour ramener les pièces. Donc, récemment, j'ai fait l'acquisition d'une pièce de plus de 500 kilos de cette météorite et elle a été ramenée par ces moyens-là. Je pense qu'ils sont assez motivés vu les quantités de météorites qu'il a trouvées. Donc, il y a toujours des solutions maintenant en Suède. Pour parler de la Suède, là, mon frère est allé sur place, donc je peux en parler vraiment bien. En y allant à la bonne saison, il faut faire un peu abstraction a priori des moustiques. De vrais tueurs, femelle, mais surtout, voilà. C'est ça qui pique. Voilà, mais ce qui est terrible, c'est mon frère m'expliquait que même sur une. Il était équipé avec des gants, mais ils arrivaient à trouver les coutures. Entre les coutures, pour piquer. Ils sont très sympas. Mais en dehors de ça, il faut y aller dans les périodes de dégel. Mais c'est. Quel est l'endroit où vous n'êtes pas encore allé en vous disant là, c'est une destination future, il doit y avoir quelque chose, ou en tout cas vous avez entendu parler de chute, prochaine destination. Si j'avais juste un choix à faire comme ça, sans toute la partie logistique, ça serait quand même l'Arabie Saoudite avec le Rub al-Khali, sûrement. Ouais. Parce que là, c'est un désert. Enfin, moi, vraiment, mon truc, c'est vraiment parcourir ces déserts avec des zones plates et pour chercher aussi la météorite fabuleuse. Pourquoi pas une météorite martienne avec des. Enfin, le rêve, ça serait une météorite martienne sédimentaire. Ça serait le rêve, parce que pour l'instant, on n'a que des basaltes, avec pourquoi pas des indices de vie. Alors, on va revenir sur Terre, comme disent les journalistes présentateurs des journaux grand public. Concrètement, qu'est-ce qui fait la valeur d'une météorite ? Une météorite, combien ça coûte ? Et surtout, qu'est-ce qui fait que ça coûte un prix plutôt qu'un autre ? Alors, ce qui fait la valeur d'une météorite, alors, son intérêt scientifique, parce qu'il ne faut pas oublier, au départ, c'est un grand intérêt scientifique, évidemment, pour la recherche. Donc ça, c'est vraiment un critère qui entre en ligne de compte aussi pour les collectionneurs privés, puisque... La rareté fait le prix. Voilà, la rareté, voilà. Ouais. La forme est aussi un autre critère. Alors là, c'est un critère qui va de plus pour le collectionneur privé. Une météorite qui a une jolie forme, vraiment sculptée. Lorsqu'elle est rentrée dans l'atmosphère, elle peut prendre une forme de bouclier. Ça, c'est un critère aussi qui joue sur le prix. La quantité trouvée. Hein, une météorite suivant si c'est un morceau de quelques grammes ou évidemment dizaines de kilos, ça change complètement la valeur de cette météorite. Après, c'est l'offre et la demande. Mais voilà, en gros, ce sont ces critères-là. Donc, l'intérêt scientifique, la quantité trouvée. Et puis après, l'esthétique. Mais ça, c'est vraiment pour certaines pièces. Mmh. Voilà. Où est la place du marché ? Parce que s'il y a un marché, c'est qu'il y a un endroit où finalement l'offre et la demande se rencontrent. Oui, via Internet. Enfin, moi, c'est essentiellement à travers mon site où les gens me trouvent et se disent... Parce que c'est vrai, on a l'idée, une météorite, c'est quelque chose de très cher. Et ça peut être très cher, effectivement. Donnez-nous des ordres de prix, oui, voilà, pour qu'on se rende compte. Voilà, des ordres de prix. Par exemple, moi, je propose régulièrement sur les salons, hein, notamment le salon des RCE, voilà, une petite météorite à partir de 10 euros. On peut avoir j'essaie de proposer une vraie météorite. Voilà, et donc une météorite avec une croûte de fusion qui est vraiment authentifiée. Donc je dirais pour le prix de choses finalement très banales, on peut avoir quand même cet objet qui presque un paquet de cigarettes. Quoi. Oui, voilà, c'est dingue quand on y pense. Voilà. Croûte de fusion comprise. Croûte de fusion comprise, voilà. Donc ça peut être très, très abordable, ça fait des idées cadeaux. Et puis ça, j'aime bien cette idée de ces météorites avec des petits prix. Enfin, je vois régulièrement sur des salons des gamins, surtout je dirais entre 5 et jusque 10-12 ans, ils tombent devant mon stand et ils trouvent ça assez incroyable de pouvoir se payer une météorite. Et ça, je suis toujours ravi de ça. Mais alors après, c'est vrai qu'il y a d'autres météorites. Quand on rentre dans des objets rares, là, on peut... Enfin, à l'extrême, donc là, on parle de météorites, on va dire 1 euro, entre un demi-euro et 1 euro le gramme pour des météorites ordinaire en petite taille. Ça dit, si c'est plus gros, ça peut être encore moins cher. On parle au kilo. On peut avoir des météorites ferreuses pour peut-être 200-300 euros le kilo, même moins que ça. Voilà, pour des météorites ferreuses assez communes. Par contre, à l'autre bout de l'échelle, là, ça va être les météorites lunaires et martiennes, entre autres, où là, on rentre dans des prix de... autour de entre 500 et 1000 euros pour un gramme. Donc là, on est vraiment à l'autre extrême. Mais entre tout ça, il y a beaucoup de... On peut vraiment faire une petite collection très sympa avec quand même ces objets vraiment fantastiques. Voilà. On a parlé de... Lorsque la première météorite lunaire a été découverte par Robert Hagg, si mes souvenirs sont bons, en Arizona, à Tucson, on a parlé d'un million de dollars pour une petite météorite lunaire. Oui, à l'époque, c'était ce que ça valait. Alors, en fait, l'histoire, c'est que cette météorite, il l'a acquise à... parmi d'autres météorites, ça venait d'Australie en fait. Hein. Il achetait un lot de météorites australiennes, les Mid-Billy qui sont assez connues sur le marché, et dans ce lot-là, il a remarqué une qui était assez différente. Hein. Et il a eu la chance de voir les météorites, enfin les échantillons des missions Apollo surtout, et les quelques météorites lunaires connues. Il a eu la chance de les voir visuellement et s'est dit, tiens, ce truc-là, ça y ressemble. Mmh. Effectivement, ça a été la première météorite lunaire provenant d'un désert. Donc, et à l'époque, oui, je pense que 1 million de dollars le gramme, ça avait du sens, parce que c'était une pierre de, je crois, quelque chose comme 20 grammes. Et voilà, en dehors de ça, les échantillons des missions Apollo, évidemment, ne sont pas sur le marché, ouais, ça va de soi. Donc ça avait du sens. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure des trouvailles, bon, moi-même, j'ai trouvé quand même quelques météorites lunaires, les prix voilà, deviennent plus raisonnables. Qu'est-ce qui fait quand on est acheteur d'une lunaire ou d'une martienne, on est sûr qu'on achète un morceau de lune ou un morceau de Mars. Voilà. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Comment le sait-on ? Alors moi, lorsque je rentre d'expédition, je coupe les échantillons, à savoir qu'il y a une règle. Alors, pour avoir une détermination d'une météorite, il faut donner 20% du poids de la météorite ou 20 grammes. Donc pour les météorites plus grosses, ça se limite à 20 grammes. Pour les petits échantillons, c'est 20%. Et donc cet échantillon, après, je l'envoie auprès des scientifiques qui vont faire la détermination. Alors, pour les météorites lunaires, c'est vrai que au fur et à mesure des années, en fait, suivant le type de météorite soupçonné, j'envoie à tel ou tel endroit. Par exemple, au Muséum de Paris, ils sont très forts sur les chondrites et les chondrites carbonées. Donc, si j'ai le soupçon d'avoir trouvé une très belle chondrite carbonée, par exemple, je vais penser à eux en premier pour leur donner l'échantillon, parce que je sais qu'ils vont être très motivés et très performants. Et pour les météorites lunaires, depuis que je trouve des météorites lunaires, j'envoie ça aux États-Unis à Randy Korotev, qui est un grand, alors c'est un scientifique qui est un grand spécialiste des échantillons des missions Apollo au départ. Donc il a un savoir-faire, enfin une connaissance en tout cas, de longue date. Et ce qui est bien, c'est que moi je lui envoie, parce que dans les échantillons que je ramène, il y a toujours des choses où je me dis là c'est sûr. Et il y a toujours des cailloux avec un gros point d'interrogation. Donc, je lui envoie en général 4-5 échantillons. Et là-dessus, alors il y a toujours un petit jeu. Je dis, voilà, ça, j'en suis à peu près sûr. Ça, j'ai des doutes. Bon, en général, quand j'ai un doute, il s'avère que ce n'en est pas. Mais quand je suis sûr... Et les martiennes ? Les martiennes, alors, les martiennes, là, c'est un petit peu... c'est selon. Là, donc, je viens de ramener une météorite martienne là, avec mon frère. Nous avons la chance de trouver trois échantillons. Mais je n'ai pas encore... Déjà, je vais me donner un peu de temps pour retourner une fois sur place, hein, voir s'il n'y a pas d'autres échantillons. Et là, je ne sais pas qui. Voilà, faut que je discute un peu avec les gens, voir qui est susceptible d'être intéressé. Mais en principe, le client doit avoir une, je dirais presque une carte d'identité, composition isotopique de l'objet pour être sûr que. Voilà. En tout cas, c'est pas une terrestre. Voilà. Alors après, c'est l'avantage de donner ce fameux échantillon, c'est qu'il y a des travaux qui sont faits par les scientifiques. À la finale, il y a une publication et il y a une déclaration dans ce qu'on appelle le Meteorological Bulletin. Donc ça fait référence, c'est-à-dire que la météorite finit par avoir un nom avec sa classification, donc reconnue par les scientifiques. Il y a des faux. Alors en météorite, il y a eu un faux fameux, je dirais, parce que dans les météorites, il y a ce qu'on appelle les palazites, hein, qui sont des météorites où on a une structure, on a du métal, fer nickel, dans lequel et comme noyé, en tout cas inclus dedans, des silicates qui sont des olivines. Alors ces météorites, lorsqu'on les coupe en tranches, c'est absolument fabuleux parce qu'on a moitié métal et moitié des minéraux transparents. Alors ce sont des météorites qui sont très esthétiques. Et il y a 5-6 ans, un faux qui a été fait, c'est-à-dire quelqu'un a pris du métal et a compacté du métal frité avec des olivines qui venaient d'Arizona. Alors, coupé en tranches, et en plus, ils avaient fait toute une histoire, un reportage qui a été diffusé auprès des collectionneurs pour montrer la trouvaille de la météorite. Enfin, c'était vraiment très bien fait. Au départ, franchement, personne n'a soupçonné que c'était une fausse palazite. Et c'est assez amusant parce qu'avec le recul, on se dit mais comment on a pu être berné, parce que en regardant de près, c'est très douteux. En regardant, mais avec ce montage qui a été fait autour, c'est bien passé. Alors cette météorite s'appelle Chirokovsky. Maintenant, elle est un peu rentrée dans l'histoire. Moi, je sais que j'en ai gardé un morceau. Oui, parce que elle fait partie de l'histoire. Je sais que j'en. Alors au départ, j'étais furieux. J'ai redonné les morceaux auprès de la personne qui les avait vendus et finalement, j'ai repris un morceau parce que je trouve que ça fait partie de l'histoire. C'était pas un français. Hein. Non, du tout. Non. Alors, on va parler évidemment des acheteurs, parce que le marché, oui, ceux qui proposent. D'ailleurs, combien il y a d'entreprises. Comme la vôtre, est-ce que le stade artisanal est le bon stade, je dirais, du vendeur de météorites aujourd'hui? Quel est l'état, je dirais, de l'offre, de ceux qui offrent? Alors, il y a 5 à 10 ans, il y avait beaucoup de vendeurs de météorites. C'est-à-dire, tout le monde pensait, entre guillemets, faire fortune avec une météorite. Je pense que la plupart se sont rendus compte que ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, je dirais, il y a peut-être... 5, 5 à 6 équipes de gens qui cherchent régulièrement dans les déserts ou ailleurs. J'en vois pas plus dans que ça. Monde. Oui, pas plus que ça. Bon, je dis pas, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer une fois, tenter leur chance, trouver une ou deux météorites, mais quelque chose de répétitif et de faire un peu à notre manière, nous ne sommes pas beaucoup finalement. Et c'est des petites structures. Oui. Enfin, cela dit, nous sommes petits parce que nous sommes à deux à chercher avec mon frère. Je repense toujours à l'équipe des Russes parce que eux, lorsqu'ils vont dans les déserts, ils vont en général à 3-4 véhicules. Ils vont à une dizaine de personnes. Donc là, ils sont vraiment une grosse structure et ils restent très longtemps dans les déserts. Mais après, ça va plutôt être d'autres équipes comme nous, une ou deux personnes. Voilà. Donc 5-6 sociétés sur le marché mondial, on va dire marché qui est mondial, hein, qui fonctionne par Internet. Oui. Qui sont les clients? Vous avez parlé de clients privés, donc ça veut dire qu'il y a des clients publics. Le public, c'est qui? C'est les muséums? Alors ça peut être les muséums pour avoir une belle pièce pour exposer auprès du public. Ça arrive assez régulièrement finalement, on me demande une pièce. Alors en général, la pièce idéale, c'est une pièce qui est assez grosse, par exemple une météorite ferreuse, parce que ce sont des objets qui sont vraiment accessibles, même dans des belles dimensions. Je parle de plusieurs dizaines de kilos, voire plusieurs centaines de kilos, et c'est une météorite que l'on va pouvoir mettre pour le public peut la toucher, voilà, on peut pas se sauver avec. Donc ça, c'est vraiment les musées recherchent ce genre de pièces. Et aussi, je sais qu'il y a 2 ans, j'ai fourni une météorite lunaire à un musée en France. Ça sera exposé, je pense, bientôt. Où, en plus, j'aurais soumis l'idée, en plus de prendre cette météorite lunaire, en fait, ils ont pris la moitié d'une météorite lunaire, qui est un beau morceau, hein, qui fait une centaine de grammes. Et j'aurais suggéré de prendre aussi un petit morceau à sertir pour que les gens puissent toucher la Lune. Donc, ils ont trouvé l'idée sympa. C'est donc, de mettre le gros morceau. On l'a évidemment, on peut pas le laisser accessible, voilà, il sera sous vitrine, mais de mettre un petit morceau de cette météorite lunaire, simplement serti, que les gens puissent toucher la Lune. Je trouve que on va la toucher. Hein, voilà. Et ça, j'ai vu que ça plaît bien. Donc ça, c'est vraiment la partie musée. Et qui sont les collectionneurs privés? Alors, est-ce qu'on a idée, est-ce qu'il y a un portrait type du collectionneur privé et combien sont-ils? Alors, portrait type d'un collectionneur privé, ça va être finalement souvent quelqu'un de sensibilisé par l'astronomie au départ. Mais vraiment, enfin, voilà, on est dans les mêmes environnements. Qui veut s'offrir un vaisseau spatial à la maison, quoi. Voilà, je pense que du coup, oui, c'est ça. C'est bon, il peut y avoir un côté frustrant d'observer, d'avoir quelque chose de tactile. Donc ça, la plupart des, j'ai remarqué, hein, la plupart des collectionneurs privés sont des astronomes amateurs, en fait. Hein. La plupart, enfin, je dirais, les deux tiers, vraiment les deux tiers. Après, il y a un autre tiers, ce sont des passionnés de minéraux fossiles, et voilà. Et donc après il monte une collection de météorites. Mais dans les autres, parce qu'on parlait de marché, il y a aussi les universités qui de plus en plus ont des budgets pour faire des acquisitions de météorites pour la recherche, en fait, hein. Parce que je pense qu'auparavant ils essayaient d'obtenir des échantillons auprès de divers musées, voilà, de manière assez simple, mais c'est vrai que parfois il est difficile de sortir des échantillons des musées. Donc. Vos plus gros clients sont japonais, allemands, américains? Alors, américains quand même, à 80%, cela dit, en France, il y a des collectionneurs qui ont de très très belles collections. Ils ne sont pas beaucoup, hein, on compte sur les doigts d'une main. Donc en fait, c'est vrai que de par le monde, je dirais vraiment des collectionneurs un peu acharnés de météorites et qui ont les moyens de faire des grandes collections sont très peu. Moi, j'estime quelques centaines et encore vraiment. Il y a des gros chèques pour les plus importants? S'offrir une très belle pièce, c'est quoi? Oui, alors on peut parler de plusieurs dizaines de milliers d'euros si on veut se payer un météorite lunaire, par exemple, ou un morceau, ou tout simplement une belle pièce, une belle sidérite qui a une jolie forme. Et on commence à voir depuis 2-3 ans des ventes à Drouot, par exemple. Auparavant, on pouvait avoir une météorite au milieu d'une vente de minéraux fossiles. Maintenant, il y a des ventes que de météorites. On trouve ça aussi aux États-Unis. Et ce qui est assez amusant, c'est que les météorites sont parfois présentées comme des sculptures naturelles, notamment les météorites ferreuses qui ont des formes magnifiques. Donc là, on touche presque à l'art. Et notamment les dernières, j'ai prêté des météorites pour une expo au musée d'art moderne de Saint-Étienne. C'était dans le contexte de la texturologie, la texture des météorites. Et je me souviens, ce qui m'a vraiment plu, c'était de prêter j'ai une météorite lunaire, qui est ma première découverte en lunaire, où si on regarde vraiment bien la surface, on a l'impression de voir la surface de la Lune avec des petits cratères. Cette pièce est absolument fantastique, je trouve. Et donc, elle était exposée dans ce cadre-là, la texture, parce qu'il y avait des photos de la Lune, et il y avait donc la météorite lunaire à côté pour montrer qu'on retrouvait la même texture. C'était assez amusant. Alors, vous êtes présent tous les ans au plus grand marché existant au monde. Ça se passe en Arizona, à Tucson. C'est le Gem Mineral and Tucson Show, Meteorite and Tucson Show, qui est un endroit tout à fait extraordinaire. Pendant 2 semaines minimum, dans une grande partie des hôtels de la ville, finalement, des collectionneurs viennent chercher dans, je dirais, le plus grand bazar, mais c'est plus qu'un bazar, parce que là, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y a pas que de la météorite. Non. Il y a aussi des dinosaures. Oui, il y a aussi, c'est incroyable. Vous pouvez vous repartir presque sous le bras avec un dinosaure. c'est un lieu unique pour ça. C'est vrai que c'est vraiment le lieu mondial pour les minéraux, les fossiles, donc maintenant les météorites, c'est vraiment l'endroit incontournable pour les exposants et pour les clients, et les universités, les musées aussi font, si on peut dire, leur marché dans cet endroit-là. Et c'est là où se font les prix, c'est là où le marché finalement se compare. Oui, c'est là où ça permet un peu d'avoir la température, si on peut dire, du marché. C'est aussi l'occasion pour les gens qui cherchent les météorites comme moi, on se rencontre, parce qu'on est très peu, donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer les autres, de voir ce que les autres ont trouvé, d'avoir parfois des infos sur de nouvelles trouvailles. Ça permet aussi, là encore, de déguiser un peu plus l'œil en voyant aussi les trouvailles des autres. Donc c'est vraiment, alors c'est un lieu d'échange d'informations, et puis c'est un lieu où on peut voir de très très belles météorites. Enfin, moi là j'expose de belles pièces. Ouais. Et en France, quels sont les rendez-vous que vous pouvez proposer annuellement au public? Alors en France, il y a quand même deux rendez-vous. Il y a Sainte-Marie-aux-Mines qui est dans l'est de la France. Donc ça, c'est un salon qui a lieu fin juin chaque année, et ce salon un petit peu l'équivalent de Tucson. Alors bon, c'est à dimension moindre, parce que Tucson, on parle de plusieurs milliers d'exposants, même si en météorite on est peut-être une dizaine d'exposants, mais en tout cas en minéraux fossiles on parle de milliers d'exposants. Sainte-Marie-aux-Mines, on parle de centaines d'exposants. Cela dit, il y a vraiment de très très belles choses, donc pour les passionnés de minéraux fossiles et de météorites, c'est aussi un endroit incontournable. Donc là, moi, j'ai un stand et j'expose quelques météorites. Et à Paris aussi, là, je viens de faire un salon au mois de début décembre. Donc c'est un salon de minéraux fossiles où moi, j'ai un stand. Alors, je suis le seul avec mes météorites, parfois un petit peu perdu au milieu des minéraux fossiles, mais c'est très bien. Tombé du ciel. Voilà.